Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes une heure sur Radio Guimauzo pour l'émission La parole est à vous. Alors qu'il va être consacré ce soir à un dossier consommateur, avec bien sûr la revue d'Union fédérale des consommateurs, Que choisir, mais pas seulement. Voilà, alors, on va, des nouvelles assez brèves, des infos express. Alors, s'agissant des fournisseurs d'énergie, la DGCCRF passe à l'attaque, dit Que choisir. Depuis longtemps déjà, dans le viseur du médiateur national de l'énergie et de Que choisir, Engie et ont reçu la visite de la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Deux entreprises commercialisant des contrats de gaz, d'électricité, 11 sociétés sous-traitantes travaillant pour leur compte ont été visées par des perquisitions dans le cadre d'une enquête pour des pratiques de démarchage abusifs, présumées. C'est ce qu'a fait savoir la DGCCRF début juillet, sans citer de nom. Mais le passif d'Engie et d'Eni ne laisse guère de place au doute. S'il devait être prouvé qu'il s'agit d'une politique délibérée, de leur part, ces pratiques relèveraient du pénal et l'amende pourrait atteindre 10% des chiffres d'affaires respectifs. Il n'échappera pas aux souscripteurs de l'opération Énergie moins chère ensemble, édition 2017, à l'initiative de l'UFC Que choisir, qu'ils sont clients de Happy Energy, Engie, ou d'Eni, s'ils sont encore sous contrat aujourd'hui. Mais l'association avait imposé un contrat spécifique aux fournisseurs qui protège les souscripteurs des campagnes de démarchage et les met à l'abri des problèmes de facturation. Voilà donc toujours l'éternel épisode, l'éternel problème avec Engie en particulier. Et puis on reparle souvent de ces fameux Linky qui ont été imposés de manière absolument autoritaire aux usagers d'EDF. C'est Engie, bien sûr, qui distribue. Alors, on va se changer de sujet puisqu'on va parler d'une vente aux enchères. Un iPhone qui reste bloqué. Gare aux désillusions si vous achetez un iPhone d'occasion lors d'une vente aux enchères. Jean-Michel B. de Gruson, dans le 59, l'a pris à ses dépens. « Je l'ai payé 150 euros », confie-t-il, à Que choisir. Dès la mise en route, l'appareil s'est connecté à l'iCloud, la base Apple, où la marque invite à enregistrer ses données personnelles. Et m'a demandé les identifiants et mots de passe du précédent propriétaire. Or, le commissaire priseur, sollicité, m'oppose qu'il n'a pas le droit de me communiquer les coordonnées du vendeur. Jean-Michel B. se tourne alors vers Apple, qui exige la facture d'achat. Mais voilà, dans une vente aux enchères, on ne vous remet qu'un bordereau de vente, poursuit Jean-Michel B. Il tente finalement une action en justice. Las, le tribunal d'instance de Lille rejette sa demande. Aucune obligation de déverrouillage ne pèse sur Apple Europe INC. Seule voie de recours, la Cour de cassation. Mais Jean-Michel B., résigné, n'ira pas jusque-là. Puis on le comprend aisément, hein, parce qu'un dossier en Cour de cassation, enfin un avocat obligatoire devant la Cour de cassation, ça signifie à peu près 4000 euros de frais. Donc pour un iPhone de 150 euros, ça paraît quand même un peu cher. Alors, puisqu'on est un peu dans la téléphonie mobile, on va parler de Google. J'ai découvert un édito d'Arnaud de Blauve, rédacteur en chef de Que choisir, qui parle de Google dans le rôle de Zorro. C'est cet été qu'est sortie l'information. Google pourrait bien avoir la peau de Viagogo, un site internet qui revend, sans toujours en avoir l'autorisation, des billets de concert, de compétitions sportives ou de pièces de théâtre. Arrivée en France en 2011, cette plateforme a très vite suscité un flot de plaintes. Lire notamment « Que choisir argent » numéro 155. Tickets non livrés, billets électroniques frauduleux, on ne compte plus les victimes des sales pratiques de Viagogo. On est des gogos pour vis-à-vis de Viagogo. De leur côté, les organisateurs de spectacles ou d'événements voient rouge. Furieux que ce marché parallèle se développe en toute impunité. Il est vrai que Viagogo a son siège social aux États-Unis, dans le Delaware. Véritable paradis fiscal. Allez lui chercher des Innoises. Là-bas est tout sauf simple. Certes, des offensives ont été menées en Europe contre Viagogo à l'initiative d'associations de consommation, de producteurs ou d'autorités administratives nationales. En vain, jusqu'à ce que Google, tel Zorro, s'en mêle. Le 17 juillet, la société californienne a en effet banni Viagogo de son service de référencement payant, qui lui permettait d'apparaître en tête des recherches effectuées par les internautes. Pour figurer en si bonne place, Viagogo dépensait chaque année une petite fortune, dont Google a préféré se passer. Nous voulons être certains d'offrir à nos utilisateurs une expérience digne de confiance. C'est Google qui parle. Pour Viagogo, cette éviction est un coup dur, peut-être fatal. Plus d'annonces sur le moteur de recherche, le plus consulté du monde. Plus de business. Ainsi, Google pourrait bien faire office de justicier et siffler la fin de la partie, et non un tribunal ou une autorité publique. Or, est-ce aux GAFA, les géants du web, de faire la loi? Sans doute pas, mais les GAFA sont tout puissants. Et là, on s'en aperçoit aujourd'hui, puisqu'ils sont soutenus en plus par le président des États-Unis. Voilà, on va changer de sujet, on va parler de la copropriété des frais de chauffage. Alors, un décret a été publié, un décret que choisir qualifie de sous-influence. Publié le 23 mai dernier, le décret sur l'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles dotés d'une installation collective vient tempérer les choix du président gouvernement. Les ministres signataires semblent néanmoins sous l'influence des professionnels dans la mesure, car le décret reconnaît les répartitions des frais de chauffage comme des instruments de comptage, ce qui relève de l'aberration. Ils sont en effet inaptes à mesurer la quantité de chaleur consommée. Le rapport publié par le bureau d'études Enertech en 2017, montrent qu'ils ne sont aucunement fiables et qu'ils peuvent entraîner, je cite, « une erreur d'estimation des consommations très importante ». Le seul progrès du nouveau décret vient des exemptions qu'il introduit à l'obligation d'individualiser. Elles concernent d'une part les immeubles qui consomment peu, autrement dit les BBC, les RT 2012 et ceux qui consomment au plus 80 kWh mètre cube an pour le seul chauffage. Et d'autre part, les immeubles où l'individualisation entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Cette mesure devait a priori permettre à un grand nombre de copropriétés non énergivores d'échapper à l'installation de répartiteurs de frais de chauffage, à condition que l'arrêté attendu n'ait pas été dicté par le lobby des professionnels de la mesure. Et sur ce point, Que choisir a de sérieux doutes, bien entendu. Alors on va quitter le domaine des immeubles pour aller, les frais de chauffage bien entendu, pour aller vers des hôpitaux. Eh bien le jour de sortie est facturé. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Un décret du 9 juillet 2019 est venu conforter les pratiques constatées dans beaucoup d'hôpitaux et de cliniques. Même le jour de sortie, les établissements sont en droit de facturer la chambre individuelle. Mais comme le notait Que Choisir dans une enquête en mars dernier, nombre d'entre eux facturent des forfaits indus. D'où ce conseil, ne pas se laisser faire, car ces frais ne sont pas remboursés par l'assurance maladie ou les mutuelles. Voilà, ça il faut le savoir, hein, parce que si c'est une sortie le matin, par exemple, il n'y aurait aucune raison de facturer la journée. Malheureusement, aujourd'hui, non seulement ces frais ne sont pas remboursés, mais en plus de ça, le dernier décret semble conforter cette pratique. Alors, on va parler transport aérien. Fin juin, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné Air France à rembourser le billet retour d'un client annulé par la compagnie parce qu'il n'avait pas effectué le vol aller. La pratique baptisée « no-show » est fréquente dans l'aérien. Elle vise à éviter que des passagers n'achètent un aller-retour plutôt qu'un trajet simple, parfois plus cher. Le tribunal l'a jugé contraire aux conditions générales de vente de la compagnie, qui prévoit bien l'application d'un surcoût, mais pas l'annulation du billet. Et un retard également qui est épinglé. La Cour de justice de l'Union européenne a pris position sur le cas de 11 passagers ayant réservé un voyage auprès de la compagnie tchèque Český Aerolinie, lors de ce trajet Prague-Bangkok via Abu Dhabi, le vol Abu Dhabi-Bangkok assuré par Etihad Airways est arrivé avec 8 heures de retard. Les voyageurs ont donc réclamé l'indemnisation prévue par la réglementation, mais Český Aerolinie a refusé, rejetant la faute sur Etihad Airways. L'arrêt du 11 juillet lui donne tort. Dans le cas d'un vol avec correspondance, mais à réservation unique, un passager victime d'un retard à l'activité peut se retourner contre le transporteur ayant effectué le premier vol. Bien sûr, hein, autrement c'est le ping-pong entre le renvoi de balle entre deux structures, et puis bien sûr le justiciable, la victime ne peut donc risque d'attendre longtemps son indemnisation. Alors, on repart du cancer du col de l'utérus et de sa prévention. Alors que le programme national de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus se déploie depuis un an, la Haute Autorité de Santé, HAS, a modifié fin juillet ses recommandations sur la meilleure méthode pour repérer les lésions précancéreuses chez les femmes de plus de 30 ans. Elle conseille l'abandon de l'actuelle analyse biologique, reposant sur une observation cytologique, forme des cellules, au microscope, et son remplacement par un test HPV qui recherche l'ADN du virus à l'origine du développement du cancer de l'utérus. Ce test est plus fiable et permet de limiter le nombre de faux négatifs. Concrètement, pour les femmes concernées, peu de différence avec la procédure telle qu'elle s'applique aujourd'hui, puisque le test nécessite toujours un prélèvement et un examen gynécologique. Mais gros avantage, son efficacité autorise à l'espacer de 5 ans contre 3 aujourd'hui, avec frottis classique. Ce test pourra également être proposé en auto-prélèvement. En revanche, l'analyse cytologique est toujours privilégiée pour les femmes entre 25 et 30 ans, car le nouveau test pourrait détecter chez elles trop de lésions précancéreuses qui disparaîtraient très souvent spontanément à leur âge. Et si jamais celles-ci persistent, leur évolution est si lente, 10 à 20 ans, que leur prise en charge et leur traitement ne nécessite aucune précipitation. C'est d'ailleurs pour cette raison que le dépistage se déroule selon le timing suivant. Un premier frottis à 25 ans, un deuxième à 26 ans, puis un troisième 3 ans plus tard. À partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, si c'est le nouveau test qui est utilisé, la fréquence passe donc à 5 ans. Ce schéma est aussi valable pour les femmes vaccinées contre les HPV, car la vaccination ne protège que contre certaines papillomavirus humains. Voilà. Alors, on va changer de nouveau de sujet. On va parler de Nestlé. Nestlé se rallie à Nutri-Score. Belle prise pour le Nutri-Score. Le géant suisse a annoncé en juin dernier la mise en place progressive du logo nutritionnel aux 5 couleurs sur ses marques. Nesquik, Mousseline, Magie, Herta, Buitoni, Nuts, la laitière, etc. Hein, puisqu'on sait bien que Nestlé est assez en position dominante dans ce domaine. Une décision d'autant plus significative que le groupe s'est longtemps opposé à cet étiquetage, lui préférant un système concurrent baptisé Evolved Nutrition, label. Patience néanmoins, l'apparition du logo devrait s'étaler sur 2 ans. L'UFC Que Choisir demande la même transparence aux autres multinationales de l'agroalimentaire, Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Mondelez et Unilever. Le Nutri-Score est le système officiel en France, en Belgique et en Espagne. Mais il n'est pas obligatoire dans l'Union européenne. C'est pourquoi l'UFC Que Choisir appelle Nestlé à signer la pétition demandant à la Commission d'imposer le Nutri-Score au niveau européen. Voilà. Alors, si vous signez la pétition, il faut que savoir que les données, nom, prénom, etc., demandées lors de la signature de cette pétition, sont exigées par la législation européenne. Elles sont hébergées sur le site sécurisé de l'Union européenne. Voilà, alors Nutri-Score, bien sûr, c'est un système d'information pour le consommateur qui est absolument indispensable pour connaître quand même l'origine en particulier, la composition puis l'origine des produits. Voilà, on va peut-être s'accorder une pause musicale avant de poursuivre ce dossier consommateur sur le 107 RGM. Je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulé. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces tortues qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de villages en enterrent dans leur commune pour faire entrer des thunes. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces fossiles qui bousillent la terre. Les blés, les patates sont bourrés de nitrates, on shoot aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxine, en voiture on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces porcs qui bousillent la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone tue nos forêts si précieuses autant que les tronçonneuses. L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent, mais colorants, salmonellose nous font la vie en rose. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, vert, vert, je suis hiver de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Tous les ans, bonhomme, 7 milliards de tonnes de gaz mortel CO2 s'envolent dans les cieux. L'effet de serre menace, ça fait fondre les glaces. La mer monte, c'est sans danger, il n'y aura qu'à éponger. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Il y a ceux qui chantent la chanson du profit contre tous ceux qui aiment la chanson de la vie. Voilà, la chanson de la vie de Pierre Perret. J'aime bien retrouver Pierre Perret. Puis, il y a 20 ans qu'il chantait cette chanson, je crois. Et donc, c'est toujours d'actualité. Alors, il y a un pauvre type qui bousille la terre en ce moment. Enfin, il y en a plusieurs, mais en particulier le président du Brésil. Hein, avec cette histoire de l'Amazonie, c'est quand même particulièrement inquiétant. Donc on peut être en révolte effectivement contre ces pauvres types qui bousillent la terre et puis tous ces dictateurs qui à travers la planète favorisent bien sûr les lobbies au détriment de la survie même de l'espèce humaine bien entendu hein, et puis de l'espèce animale bien entendu aussi. Voilà, alors, on va parler des plastiques. C'est un des sujets favoris que choisir, et puis moi-même. Voilà. Alors, Tropicana. Scandaleuse plastique, c'est l'interrogation de que choisir. Tropicana fait jaser, et pas en bien, avec ses nouvelles bouteilles en plastique transparent de jus de fruits. Les réseaux sociaux se déchaînent. Des appels au boycott de la marque circulent. Le message est toujours le même. Délaisser les emballages en carton pour du plastique est choquant. À l'heure où il est si décrié, le plastique bien entendu, mais la réalité est moins simpliste. Le pack en carton en question est une brique alimentaire fabriquée avec plusieurs matériaux du carton, 71% en général, mais aussi du plastique, 23%, et de l'aluminium, 5%. Le carton assure la rigidité. Le plastique, l'étanchéité. Quant à l'aluminium, il permet la conservation du liquide alimentaire dans les meilleures conditions. Cette multiplicité de matériaux complique le recyclage, car il faut séparer les différentes couches, puis les envoyer dans la filière correspondante. Si le carton est recyclé, le plastique et l'aluminium partent, sauf exception, en incinération. Il suffit de les... Alors que, de son côté, le PET, transparent de ses nouvelles bouteilles, est le plastique qui se recycle le mieux. Il suffit de les déposer dans le bac de tri pour qu'elles soient valorisées. Les centres de tri, comme les recycleurs, sont demandeurs, car c'est le plastique qui rapporte le plus. S'il fallait faire un reproche à Tropicana, ce serait plutôt sur le plan commercial. La bouteille passe de 1 litre à seulement 0,9 litres. Avec un prix qui augmente. Voilà. Alors, bon, on fait une polémique autour du fait qu'il y a une nouvelle bouteille plastique qui serait moins recyclable, enfin, qui serait plus nocive que les briques de carton. Or, on s'aperçoit quand même que les briques de carton sont loin d'être faciles à recycler. Voilà, donc c'est un article aussi de la revue Que Choisir, Union Fédérale des Consommateurs. Alors, Que Choisir, puisque c'est lui que je cite, répond aux polémiques concernant les tests crème solaire. Dans un précédent numéro, figurait un test de crème solaire pour enfants révélant la trop faible protection contre les UVA des produits bio est classée en premier un article de Hard Discount. Diverses réactions ont suivi sa publication. Les professionnels du bio nous reprochent, dit que choisir, d'utiliser une méthode de test peu adaptée à leurs produits. Ce protocole recommandé par la Commission européenne est pourtant fiable. Néanmoins, dit que choisir, nous avons de nouveau testé deux produits en suivant leur procédure. Et les résultats sont confirmés. Par ailleurs, un ingrédient présent dans la crème solaire la mieux notée est contesté parce qu'il perturberait le système endocrinien. Or, plusieurs études sur animaux n'en font pas état. Il serait aussi allergène. En réalité, la plupart des cas d'allergie constatés sont dus à une exposition préalable à une pommade anti-inflammatoire. Le kétoprofène est non à ce filtre solaire. À savoir encore, les crèmes solaires bio contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane ou d'oxyde de zinc, dont les effets sur la santé sont méconnus et qui semblent toxiques pour l'environnement marin, au même titre que les conventionnels. Ben voilà, il faut peut-être éviter aussi de s'exposer trop longtemps au soleil, hein, c'est pas bon pour la peau, hein, même avec les filtres solaires intégraux. Voilà, mais bon, on s'aperçoit aussi qu'il y a des polémiques autour de ces fameux filtres solaires qui seraient aussi coupables de détruire en particulier les coraux, là. Voilà, on va parler de bourse de l'immobilier avec des pratiques abusives selon Que Choisir. Le scénario se répète, dit Que Choisir. Des particuliers déposent une annonce pour vendre leur logement sur le site du Bon Coin ou de particulier à particulier. Quelques jours plus tard, un commercial de la bourse d'immobilier les démarche par courriel puis par téléphone. Leur vente est mérite du réseau d'agences de la BI pour augmenter la visibilité de l'annonce. Les clients sont relâchés jusqu'à ce que certains acceptent de signer le fameux contrat pro proposé par la société. Ce mandat de vente est présenté par les commerciaux de la BI comme non exclusif, les propriétaires restant libres de vendre leurs biens de leur côté. Or, un grand nombre d'entre eux révèlent que la bourse de l'immobilier vient systématiquement leur réclamer le paiement d'une commission, même s'ils ont réalisé la vente de leur habitation par leurs propres moyens, via une autre agence. La BI se réfère à une petite clause perdue en page 5 du contrat pro. Le vendeur s'oblige, s'il vend sans l'intermédiaire du mandataire, à lui communiquer par écrit et sans délai le nom et adresse de l'acquéreur, du notaire rédacteur de l'acte et de l'intermédiaire, ainsi que le prix de la vente. À défaut, il en supportera les conséquences, notamment en cas où le mandataire aurait contracté avec un autre acquéreur. La BI indique que si les clients payent tout de suite, les frais sont divisés par deux. Au bout de deux semaines, la commission au double. Il faut verser l'intégralité. Alors, par rapport à ça, qui semble quand même une pratique tout à fait contestable, la justice semble pencher du côté du consommateur. En pratique, dans le cas où la bourse d'immobilier ne leur a pas présenté leur acheteur, les consommateurs prennent extrêmement peu de risques s'ils décident de ne pas lui régler la commission. Les juristes de l'UFC Que Choisir, qui ont analysé le contrat pro, confirment certes que la loi n'interdit pas l'insertion d'une clause de garantie de rémunération prévoyant que les honoraires ne sont plus les mêmes si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire. C'est l'article 78 du décret du 20 juillet 72, mais à la condition, comme le rappellent de façon constante les tribunaux, que cette clause présente un caractère très apparent. Or, ce n'est absolument pas le cas en l'espèce. Elle n'est même pas incluse dans l'encadré important de la page 5. Et selon les témoignages recueillis, les commerciaux de la BI soulignaient que le contrat pro ne comportait aucune sorte d'exclusivité. Conséquence, si les propriétaires refusent de payer, le seul moyen dont elles disposent pour les forcer à le faire est de saisir la justice, avec de très fortes probabilités que les juges condamnent la clause litigieuse et lui reconnaissent pas le droit de percevoir une commission. Voilà, c'est bon à savoir quand même, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui passent par des par des systèmes comme de particulier à particulier, comme le Bon Coin, y compris pour vendre leurs biens immobiliers, bien entendu. Voilà, je passe rapidement sur les comptes de l'UFC Que Choisir, hein, en sachant bien sûr, s'agissant de l'Union fédérale des consommateurs, ben, c'est une association aux lois de 1901 qui se doit de publier leurs comptes, hein, d'une part, et que d'autre part, ces comptes font apparaître quand même un bénéfice certain, une prospérité de la première organisation de consommateurs en France. Sachant aussi que la lecture de certaines revues, parce qu'elles sont multiples, à Que Choisir, hein, Que Choisir Santé, Que Choisir Argent, etc., diminue quand même, hein, parce que bon, ben, y a des applications informatiques, etc. Et donc le support papier perd un peu de sa valeur, sauf celui de Que Choisir tout court. Voilà. Alors, l'économie circulaire. Que Choisir en parle. Un an et demi après la présentation de 50 mesures pour l'économie circulaire, le gouvernement a enfin adopté en juillet un projet de loi de lutte contre le gaspillage. Or, le nombre de dispositions a fondu comme la neige au soleil. Seules sont 13 rescapées qui y figurent. Plusieurs d'entre elles renforcent le principe du pollueur-payeur, comme l'instauration d'un bonus-malus vert, sorte de TVA écologique permettant d'orienter le comportement des consommateurs, ou la responsabilité élargie des producteurs. Et là, certaines primordiales sont tombées aux oubliettes, telles que la suppression du logo point vert, la rationalisation des éco-organismes avec une supervision indépendante, l'interdiction du PET opaque ou les sanctions pour les filières professionnelles n'atteignant pas leur objectif de recyclage. Alors que l'exécutif a promis de mettre l'urgence écologique au cœur de sa politique, il faut souhaiter que les parlementaires le lui rappellent, enrichissant le texte sur la base notamment de l'ambitieuse feuille de route de 2018 en matière d'économie circulaire. Les bonnes idées doivent aussi se recycler. Oui, bon, on voit bien que le gouvernement fait toujours semblant de faire les choses, mais ne va pas jusqu'au bout, bien sûr, de ce qu'il faudrait faire. Voilà, alors, la SFAM, la SFAM, amende et remboursement. Victoire en août 2018, l'UFC Que Choisir portait plainte contre la SFAM pour pratiques commerciales trompeuses concernant des assurances affinitaires attachées à un service ou à un produit. En juin dernier, le courtier était condamné à payer une amende record par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Le parquet de Paris, la SFAM devra aussi indemniser ses victimes. Pour rappel, au moment de l'achat d'un produit, il était proposé au client une offre de remboursement de 30 euros avec à l'appui un discours commercial très flou. Il s'agissait d'une souscription d'une assurance de la SFAM. Vous avez jusqu'au 31 août 2019 pour adresser votre réclamation à demande remboursement à un site SFAM-EU, de préférence avec la direction départementale de la protection des populations. De la Drôme en copie. Un formulaire est aussi accessible sur le site de la SFAM. L'UFC Que Choisir aidera les consommateurs lésés à faire valoir leurs droits. Une lettre type et des conseils sont disponibles à l'adresse http://ufccqc.link/SFAM583. Enfin, vous trouverez dans Que Choisir ces références, hein, pour ces... Vous devez vous faire rembourser par la SFAM. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, de savoir exactement de quoi il s'agit aussi. Je vous laisse éventuellement prendre contact avec l'Union de consommateurs pour savoir exactement comment se faire rembourser par ces assurances qui semblent particulièrement contestables dans leur forme et dans leur usage. Alors je voudrais revenir sur l'affaire des pesticides. Hein. La campagne voulant des coquelicots est à peu près terminée, je pense, je ne sais plus. Hein. Je fais un coucou aux copains qui sont dévoués sur les Hautes-Vosges pour cette campagne, en particulier sur la vallée de la Moselotte et la vallée de la Cleurie. Alors, Alain Bazot, dans son billet, c'est le président de l'UFC Que Choisir, parle d'un épandage de fausses promesses. Là encore, fausses promesses du gouvernement. Décidément, entre les discours et les actes, il y a un fossé. À en croire le Premier ministre, Édouard Philippe, l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron devrait être marqué par la transition écologique. Or, depuis cette annonce, les actes sont aux antipodes. C'est particulièrement vrai pour les pesticides. Cet été, les assises de l'eau sont conclues sur un échec s'agissant de la lutte contre les polluants agricoles. Et le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, véritable passoire aux pesticides, a été ratifié par une majorité trop docile et naïve. Est-ce qu'ils sont toujours naïfs, ces députés? Malgré les alertes plus graves, quand les maires prennent des arrêtés anti-pesticides pour leurs communes, les préfets, les représentants de l'État, les retoquent au motif qu'ils sont illégaux. Alors que les preuves scientifiques de l'effet néfaste des pesticides sur la santé s'accumulent. Comment admettre que leur utilisation, qui devrait être divisée par deux selon le gouvernement de 2008, on n'était pas sous Macron, ait bondi de plus de 10% en 10 ans, avec une complaisance coupable des pouvoirs publics, via les plans éco-phyto, ou plutôt éco-pipo. Les pétitions contre les pesticides se multiplient. Comment résister à celle de l'association? Nous voulons des coquelicots. Je l'ai signé, dit Bazot. Elle compte déjà plus de 700 000 signataires. Mais bon sang, qu'attend l'État pour privilégier la santé des citoyens plutôt que les intérêts à court terme des lobbies agricoles et industriels? Voilà, c'était vraiment le cri du cœur de Alain Bazot, puis on le comprend facilement, parce qu'on se fout vraiment de la gueule des citoyens concernant la lutte contre les pesticides. On est vraiment au point zéro. Hein, et puis on attend de l'Europe, alors qu'on pourrait prendre quand même des initiatives, ça et là, pour interdire la plupart des pesticides, d'ailleurs. Puis pourquoi pas tous les pesticides industriels. Voilà, en sachant bien que on veut peut-être préserver quelque part des intérêts français, puisque malgré que l'atrazine, par exemple, est interdit en Europe, on continue à la fabriquer en France pour l'importer. Mais bon, on va peut-être recevoir aussi des fruits et légumes de pays où cette atrazine est utilisée, qui est particulièrement nocive. Voilà. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle parmi tout ce qui est sombre, là. Mais avant d'en parler, on va peut-être s'accorder une dernière pause musicale. Merci, Christopher. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. Eh bien, on reprend l'antenne. Voilà, alors pourquoi cette chanson? Parce que j'ai entendu une gamine la chanter l'autre jour. Hein, c'est vrai que le regretté Bourvil, bien, c'est l'anniversaire de sa mort. Et puis, cette chanson, eh bien, c'était quand même la grande période de chanson française. On était à la fin des années 50, début des années 60, hein, en sachant bien que... en sachant bien que Bourvil, à cette époque-là, était encore jeune. Ah oui, 1959, me fait signe Christopher, voilà. Salade de fruits de Bourvil, interprétée par Bourvil. Voilà, on va quand même... Les bonnes nouvelles qu'on peut avoir en ce moment dans le domaine de la consommation, c'est les pièces détachées automobiles. Alors, d'après Que Choisir, il parle du pouvoir d'achat enfin libéré. Après 10 ans de combat aux côtés des carrossiers et des distributeurs contre le puissant lobby des constructeurs automobiles, l'UFC Que Choisir est sur le point d'obtenir la libéralisation du marché des pièces détachées, dites visibles, rétroviseurs, ailes, vitres, et donc la fin du monopole des fabricants. Deuxième poste du budget voiture des Français, l'entretien et la réparation ont bondi en 20 ans de 75% en raison d'une dérive des prix des pièces de rechange. Cette dérégulation devrait permettre à nombre d'acteurs de la filière d'être gagnants, à commencer par les consommateurs qui pourraient bénéficier non seulement d'une baisse tarifaire des pièces détachées, mais également des assurances automobiles. Selon les calculs de l'UFC Que Choisir, il pourrait ainsi économiser 400 millions d'euros par an, tout en s'inscrivant dans une logique d'économie durable, puisque la réparation est favorisée. L'ouverture à la concurrence se déroulera en plusieurs temps. Elle sera rapide et totale pour les phares, les rétroviseurs et le vitrage, dès 2020 pour les trois, puis s'appliquera progressivement à compter de 2021 pour les pièces de carrosserie. Cette mesure est incluse dans le projet de loi d'orientation des mobilités qui sera de nouveau discuté à la rentrée. Après la résiliation à tout moment des complémentaires santé, ce serait la deuxième concrétisation d'une des 12 mesures en faveur du pouvoir d'achat proposées par l'UFC Que Choisir dans le cadre du Grand Débat National. Oh là, ben effectivement, hein. Je ne sais plus, bien des années, hein, bien des décennies en arrière, quelqu'un avait calculé qu'une automobile en pièces détachées, achetée en pièces détachées, serait 10 fois plus coûteuse qu'une automobile qui sort des chaînes. Voilà, je crois que c'est encore le cas actuellement, hein, parce que quand on voit le prix des pièces détachées, on peut quand même s'alarmer sur les pratiques des constructeurs automobiles et puis de certains intermédiaires. Alors, on reparle du CETA, bien entendu, hein. Avec 71 autres organisations, l'UFC Que Choisir s'est mobilisé cet été pour appeler les députés et les sénateurs à ne pas ratifier l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Celui-ci présente des risques largement documentés sur les plans démocratiques, écologiques et économiques, notamment lorsqu'il s'agit de la protection des droits des consommateurs européens. Voilà, puis que dire du Mercosur, hein. Alors d'une manière très hypocrite, Macron dit on ratifiera pas, ou du moins on n'ira pas dans le Mercosur avec l'Amérique du Sud, hein, suite aux incendies qui est en Amazonie, et puis à la position du dictateur brésilien, j'allais dire du président brésilien. Je crois que là, il y a pas mal d'hypocrisie, et que de toute façon, il fallait quand même pas déclencher ou prôner ce type d'accord. Hein, on voit pas pourquoi les marchandises circuleraient sur la moitié du globe ou sur 6 000, 7 000 kilomètres, alors qu'on peut trouver les mêmes denrées en France. Hein, c'est ridicule. Puis faire concurrence à notre agriculture qui risque de s'effondrer. Elle n'a pas besoin de cela. Voilà, alors CETA, Mercosur, échanges internationaux, on peut dire quand même qu'il y a de réels problèmes. Il faut arrêter un peu ce type de contrat, hein, j'allais dire, avec certains pays qui ne respectent pas les pratiques écologiques. Alors, dépôt de garantie. Alors que leur restitution en fin de bail est source de nombreux litiges entre propriétaires et locataires, un député reprend dans un rapport la proposition du FC Que Choisir, à savoir consigner tous les dépôts de garantie auprès d'un organisme tiers. L'objectif est de simplifier et dépassionner leur restitution, et aussi d'utiliser les intérêts générés pour une cause d'intérêt général, par exemple la rénovation énergétique. Ce serait une bonne idée, hein, parce que quand on voit, alors là, j'ai tenu une permanence juridique dans un autre domaine, mais quand on voit un petit peu la difficulté que peuvent avoir les gens pour reprendre leur caution, hein, pour se voir restituer leur caution, c'est vrai que ça serait une bonne mesure à faire, hein, parce que pour un peu que le propriétaire entre-temps ait changé, pour un peu qu'il soit très récalcitrant, qu'il veuille facturer des frais qui n'existent pas, eh bien, la caution devient véritablement un enjeu à conflit. Les auto-écoles. L'UFC Que Choisir est rapporteur du groupe de travail sur le contrat type des auto-écoles qui doit aboutir à la rédaction d'un arrêté contraignant. L'association a ainsi l'occasion de mettre un coup d'arrêt aux mauvaises pratiques du secteur qu'elle a souvent dénoncé, et de soulager le pouvoir d'achat des apprentis conducteurs. Or, je ne rentre pas dans les détails, puisque Que Choisir ne rentre pas dans les détails concernant donc les contrats qui peuvent être souscrits entre apprentis et auto-écoles. Alors, s'agissant de données personnelles, une action de groupe contre Google, condamné en première instance à l'initiative de l'UFC Que Choisir pour clauses abusives et illicites, Google continue de bafouer le droit des consommateurs, particulièrement celui des détenteurs d'équipements Android, forcément associés à un compte Google pour profiter de toutes leurs fonctionnalités. C'est pourquoi l'association a lancé une action de groupe contre l'entreprise californienne pour violation du règlement général de protection des données. Selon cette nouvelle loi européenne, le particulier doit donner son un accord non ambigu pour la collecte et l'exploitation de ces données, ce qui implique des conditions d'utilisation facilement compréhensibles et des termes clairs. Or, Google considère son consentement comme toujours acquis, case pré-cochée, et le noie dans des règles de confidentialité complexes et interminables. Un texte de plus de 1000 lignes, 5700 mots, avec 57 renvois et 100 liens vers d'autres contenus. De même, pour accéder à ces données de géolocalisation, l'utilisateur doit effectuer pas moins de 6 actions. Et Google, le produit, c'est le consommateur. Le géant américain sait tout de lui, même immobile. Un smartphone va transmettre sa géolocalisation près de 340 fois par jour, sans qu'il en ait conscience, le consommateur bien sûr, et se sert de ces données à des fins commerciales. Il s'agit d'une atteinte à la vie privée. Je sais que choisir assigne donc Google devant le tribunal de grande instance de Paris et réclame la somme de 1 000 euros par utilisateur pour indemniser le préjudice moral. Une foire aux questions sur cette procédure est disponible sur quechoisir.org. Voilà, alors, si vous êtes à Google, eh ben, n'hésitez pas. Parler de quelques actions en justice pour terminer. Il s'agit en particulier des bassines. Vous savez, ces fameuses rétentions d'eau qu'on retrouve quelquefois au bord des grandes routes. Ces réservoirs artificiels sont alimentés par les cours d'eau et les nappes phréatiques. Alors, en juin dernier, le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté préfectoral qui prévoyait la création de 8 bassines de rétention d'eau à usage agricole. C'est une victoire pour l'UFC Que Choisir de la Vienne. Préserver la ressource en eau potable est l'objectif que l'UFC Que Choisir de la Vienne, l'association locale, s'est engagée dans un combat judiciaire aux côtés d'autres organisations. Vienne Nature, Confédération Paysanne 86, Poitou-Charentes Nature. Dans ce collimateur, le projet de construction de 41 bassines de substitution d'eau pour les agriculteurs. Le principe consiste à récupérer l'eau qui tombe l'hiver et alimenter les rivières pour la stocker dans ses réserves, puis à s'en servir l'été pour irriguer sur les terres agricoles. En réalité, ils pompent dans les nappes souterraines, pas seulement en surface. L'été, ces dernières se retrouvent en difficulté. C'est ce que souligne Jean-Pierre Coyot de l'association locale UFC Que Choisir de la Vienne. 4 procédures ont été lancées. L'une vient d'être gagnée. Elle vise l'arrêté du 7 juillet 2017 de la préfète du département autorisant la création de 8 bassines pour irrigation. Le 6 juin, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté et condamné l'État à verser 2 000 euros à l'association locale de la Vienne. Motif, les chiffres de prélèvement annoncés étaient supérieurs à ce que prévoit le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, Loire-Bretagne. Cette victoire représente un premier pas très important. L'association locale travaille sur le sujet depuis plus de 10 ans. Un an de préparation a été nécessaire afin de saisir la justice. Au cœur du conflit, l'enveloppe de 50 millions d'euros réclamée par des agriculteurs irrigants à l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, bien entendu. Ils espèrent être financés à 70%, voire plus, avec de l'argent public, alors qu'il s'agit d'investissements privés. Ce projet ne bénéficie qu'à 4% des agriculteurs du département qui accaparent les finances publiques et l'eau. Ces bassines sont souvent destinées à la culture intensive du maïs, non adaptée à notre région. C'est ce que dit l'Union locale. Ces bassines, donc, car nécessitant beaucoup d'eau. Cela va à l'encontre de l'intérêt collectif de la population et des autres exploitants. C'est ce que martèle Jean-Pierre Coyot est de rappeler qu'en moyenne, le consommateur finance à 85% les agences de l'eau via ses factures, bien entendu, ses factures d'eau. De plus, un tel projet entraînerait la hausse du prix de la ressource aquatique et la baisse des investissements pour sa protection. À l'heure où nous écrivons, la préfecture n'a pas fait appel. Trois instructions restent en cours, mais l'espoir est permis. Comme quoi, on voit hein, des arrêtés préfectoraux en particulier qui sont dictés par des lobbies, hein, par des lobbies agricoles ou par l'agro-business. Hein, c'est le cas, par exemple, de l'histoire de Nestlé, de Nestlé par rapport à la nappe phréatique des Trias autour de Vittel-Contrex. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faudra qu'on en reparle. Voilà. Eh bien, bon, on peut peut-être faire un petit tour de la presse consumériste afin de des articles que choisir, parce qu'il y en a un qui est particulièrement intéressant. À savoir, pour le, c'est bien sûr l'UFC Que Choisir, le Que Choisir du mois de septembre. Alors, il y a un article de plusieurs pages qui concerne le bio, perd-il son âme ? Pesticides, prix, fraude, les analyses, les relevés de prix en magasin, les enquêtes sur les contrôles. Voilà, parce que bon, ben, l'agro-business s'empare aussi un peu du bio pour. Parce que c'est un domaine lucratif. Hein, et donc, il vaut mieux préférer, bien sûr, le bio local avec les certifications que d'acheter à l'autre bout de la planète. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle on essayera de revenir avec des personnes qui sont plus qualifiées que moi pour en parler. Voilà, puis les alertes sur l'assistance à la conduite. Des dispositifs encore mal maîtrisés, hein, parce que laisser son auto toute seule conduire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rassurant, on pourrait dire. Et il y a la pratique de la cryothérapie. Ça fait froid dans le dos, d'après effectivement ce que dit Que Choisir. Il y a un article là. Et puis, le décryptage des tests ADN, ce n'est pas sans risque. Les fournisseurs d'électricité. Vous aussi, vous pouvez le devenir. Et puis, des forums, bien entendu. Et puis, donc, cette fameuse zone rouge par rapport au bio, fruits et légumes bio, zéro pesticide, vraiment. La question est posée, hein, parce que là encore, il y a un problème de contrôle. Hein, parce que contrôle qui échappe à la filière nationale, si par exemple c'est des produits importés. Parce que la filière bio, bien sûr, a tout intérêt à prévoir ces autocontrôles. Hein. Encore faut-il qu'elle en ait les moyens, et encore faut-il que les DGCCRF, hein, les directions de la concurrence, la répression des fraudes, fasse aussi le boulot. Or, il y a de moins en moins d'agents dans ces agences, ce qui casse un peu le thermomètre, pourrait dire, ou le baromètre, comme on veut. Voilà, j'arrive au bout de cette émission. Je crois que j'ai même dépassé le temps qui m'était imparti. Non, ça va encore. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous, et je me permets de vous annoncer les prochaines émissions, parce que donc mardi prochain sera diffusé, non pas en direct, vous ne pouvez pas poser de questions, à Nancy Rizacher, avocate, on parlera de la réforme de la justice, ça sera donc le 3 septembre. C'est ça, le mardi 3 septembre, au soir, qui sera diffusé le 5 septembre. Normalement, le mardi suivant, ce sera donc le retour chez nous de M. Kabarari, Lawrence, hein, qui a publié encore une revue sur les pièces de théâtre, enfin sur le théâtre en particulier, parce qu'il veut absolument... Et c'est logique, parler du fameux génocide du Rwanda, lui-même étant à 7 ans, a failli être victime de ce génocide. Et là bon, il y a des actions qui sont encore aujourd'hui lancées par un collectif, sur ce plan-là. Voilà, et puis la semaine suivante, ça doit être le 17, hein, il y aura bien sûr le magazine Santé qui aura pour thème le sport, y compris le sport adapté, avec mon partenaire Jean Tisserand, le docteur Jean Tisserand. Voilà, à très bientôt sur l'antenne d'RGM. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, et à très bientôt. Salut.